Je suis avec J, le bassiste du groupe de stoner Iron Wheels, dont le nouvel album The Monkey sort le 17 octobre. Salut Gilles, merci de m'accorder un peu de temps. Salut Nico. Je voudrais qu'on commence par une question très bête mais un peu essentielle, à savoir comment vous vous êtes formé un peu, l'histoire du groupe, comment vous en êtes arrivé à sortir aujourd'hui ce nouvel album? Moi, je suis un peu la pièce rapportée du groupe, en fait, parce que Donc t'es la meilleure personne pour en parler. Ouais, je suis le mieux placé pour en parler parce que je suis arrivé après. En fait, Iron Wheels à la base, c'est Greg et Benoît en fait. Greg à la batterie et Benoît à la basse, qui avaient cette idée de monter un groupe de stoner. Et puis ils ont trouvé Bruno par annonce internet en fait. Et ils ont monté le groupe, ils ont fait leur première démo. Et sauf que Benoît en fait est parti pour des raisons personnelles. Et ils ont repassé des annonces et c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'ils m'ont rencontré moi. Et puis ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on joue ensemble quand même. Donc on a enregistré quand même un EP, on a Fuzz Movie qui est sorti en 2021 et là The Monkey. Donc c'est quand même The Monkey, ça représente 10 ans de musique tous les trois quand même. Un bel anniversaire en perspective, Ouais. donc. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais. L'une des particularités du groupe, c'est que, d'après ce que j'ai vu en tout cas, c'est que vous êtes tous les trois au chant. Et ça, c'est quand même pas courant, surtout de faire chanter le batteur, c'est pas hyper courant. Ça a été une volonté, ça a été une volonté de vous tous de chanter? Vous aviez tous une formation de chanteur ou pas du tout? Alors, c'est pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, à la base en fait, donc Greg et Benoît qui avaient monté le groupe, en fait ils ont auditionné des chanteurs et ils ont jamais trouvé quelqu'un. Ils ont fait des essais avec plein plein de gens et en fait à la fin ils se sont dit, nous on va chanter. Donc Greg à la batterie, Dave Mustaine, en pardon. fait. Ouais, on trouve personne qui nous va, et ben on va le faire nous-mêmes. Et Ouais. il y a beaucoup de choses chez Iron Wheels comme ça qui a fini par faire. Bon bah finalement, on n'y arrive pas, on va le faire nous. Et donc c'est comme ça que Greg s'est mis au chant, Benoît s'est mis à chanter à la basse. Benoît est parti, et en fait moi quand je suis arrivé dans le groupe, ils m'ont dit tu peux te mettre à la basse, peut-être pas au chant. Bon, Bruno s'est mis au chant ce moment-là. Bruno et Greg chantaient, puis moi je suis arrivé avec des compos en disant, moi j'arrive pas trop à chanter comme Benoît, mais moi je peux chanter avec ma voix à moi. Donc j'ai amené des compos à moi avec ma voix, et ça fait qu'on a un album où il y a nos trois voix en fait. C'est un équilibre qui a été facile à trouver, de savoir qui chante, à quel moment, parce que, enfin, Ouais, c'est un truc qui se fait assez naturellement finalement. Quand on compose, moi je suis venu avec des textes, avec des chansons. Parfois Bruno il est venu avec un riff et puis en fait il savait pas quoi chanter tout ça et moi je suis moi qui ai improvisé un truc au chant. Pareil pour Greg, j'ai amené des riffs, puis Greg s'est dit, ah, j'aimerais bien chanter là-dessus. Enfin, c'est vraiment comme on fait que de la compo de groupe, il y a vraiment un truc, on se retrouve dans le studio chez Greg et puis il y en a un qui amène un truc, puis il dit, ah moi j'aimerais bien chanter. Il y a un morceau sur The Monkey là, où en fait il y a une pause punk au milieu. Puis Bruno, il a dit, ah, moi, je veux chanter là-dedans. Donc, il s'est mis à chanter. Et puis, c'est vraiment. C'est un peu freestyle, mais c'est nous, quoi. C'est Iron Pour continuer dans le freestyle, de la même façon, en fouillant un peu, j'ai vu que, corrige-moi si je me trompe, hein, mais que vous enregistrez tous vos albums directement, plus ou moins en live. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette volonté qui est pas forcément très commune? Ouais, alors au départ, c'est non, c'est quand t'as pas d'argent, c'est quand même le plus simple, c'est d'enregistrer en live. J'entends. T'as pas de temps de studio, donc tu bosses tes compos, puis tu rentres dans le studio, puis tu les enregistres en live, ça va plus vite, c'est plus facile. Et puis finalement, on a découvert qu'on avait l'énergie en fait du groupe était mieux retranscrit quand même comme ça. Et on a dit, ok, en fait, on va tout faire en live. Et en fait, c'est un peu devenu notre patte. Et après, ce qui est cool, c'est que du coup, on sait que ce qui est sur l'album, c'est ce que nous, on fait en live. Oui. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas d'artifice, il y a un tout petit peu de prod quand même, parce qu'on a bossé avec Jordan qui forcément a mis sa patte de mixage et qui a fait son truc. Mais ouais, c'est du live. Il y a pas mal de one shot sur The Monk, c'est la première prise, quoi. Ouais. Bah, Ouais, on a fait. Ouais. c'est aussi un peu l'esprit du stoner d'origine dont vous utilisez pas mal les esthétiques, que ça soit dans vos clips, dans vos pochettes, dans vos images de promo. Enfin, en fait, vraiment, vous collez vraiment à ce stoner du premier âge, on va Ouais. dire. C'est une période qui vous tient particulièrement à cœur, je suppose, dans le stoner. Ah ouais, complètement une des plus grosses inspirations du groupe, mais ça s'entend, c'est Ikaios. Les papas. Ça, pour moi, c'est vraiment les premiers. Et puis j'écoutais une interview de Scott Reeder qui disait qu'il y a un des albums, ils ont enregistré en 2 jours dans un studio en live. Quand tu écoutes le son, tu te dis, ah ouais, c'est trop bien, quoi. C'est ça qu'on veut faire, quoi. Ouais, grosse inspiration. Puis ouais, l'enregistrement live, ça permet quand même de garder cette énergie, d'être tous dans la même cabine et puis de dire, allez, vas-y, on fait comme d'hab, quoi. Oui, bien sûr, Ouais. ça tu le retransmets immédiatement de la même façon lorsque tu joues. Ouais. Okay. Je voudrais avant de reparler un petit peu de The Monkey, je voudrais qu'on parle de votre précédent EP de 3 titres qui était Unplug, parce Ouais. que sorti en 2023, parce que bah, ça aussi, en fait, j'arrête pas de dire, c'est plutôt rare pour un groupe de stoner, mais de tu vois, c'est aussi quelque chose. J'avais jamais eu l'occasion de voir un groupe de stoner qui vraiment se dit on sort un truc unplug, on sort un peu des sentiers battus. Qu'est-ce qui vous a fait partir là-dessus? Bah, en fait, Fuzz Movie, on l'a enregistré en février 2020. Et c'était vraiment, c'était un mois avant le confinement. Donc en fait, on enregistre l'album, et après on est confiné, on est bloqué, on ne peut pas se voir pendant des mois et des mois. Et puis on essaie quand même de produire l'album, et puis on arrive à produire le vinyle, et puis on dit, on fait un Ulule, tout ça, parce qu'on n'arrive pas à le financer, donc on fait un Ulule, on dit, il faudrait que les gens, ils aient quand même un petit truc en plus. Parce qu'ils ont participé au Ulule, tout ça, et puis donc on se dit, mais on pourrait passer 3 jours dans le studio et puis enregistrer les morceaux en acoustique. Ouais. Donc pareil, au moment de freestyle live, on est parti enregistrer 3 morceaux acoustiques à la base qui étaient juste sur une carte de téléchargement qui était dans le vinyle de Fuzz Movie. D'accord. Et après on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on les sorte, ces titres, parce qu'ils sont cool, parce que c'est. Effectivement, c'est pas commun qu'un groupe de stoner sorte des morceaux unplug. C'est tellement le gras, hein, le stoner, c'est tellement, tu sais, le gros Bah son. ouais, c'est pour ça, c'est un truc qui colle plutôt au prog, tu vois, par exemple, de Carrément. Carrément. Mais tu vois, et puis tout d'un coup, on a dit à Greg, bon, bah, tu veux pas jouer de batterie. Donc il a travaillé son chant, donc il a travaillé un chant clair. Et donc ça a fait ces 3 titres qui sont plutôt cool. Enfin, moi, je les aime bien. Mais on les a jamais sortis en CD ou en vinyle, on les a juste sortis comme ça en Ouais, ligne. mais du coup, enfin, moi j'ai eu l'occasion de l'écouter en fait sur plateforme, c'est pour ça que tu Ouais. vois que je viens de t'en parler, mais oui, Je crois ok. que c'est la première fois qu'on parle vraiment des titres Bah, je trouvais ça original, donc unplug. ça vaut le coup d'en discuter, tu vois. Ouais, carrément. Bah, pour revenir un peu à votre nouvel album, donc The Monkey, moi j'ai trouvé, alors c'est clairement c'est du stoner. Et j'ai trouvé plein de petites influences. À certains moments, c'est plutôt un peu plus heavy. À d'autres moments, il y a un peu de sludge, tu vois, un peu dans l'idée. Comment vous avez construit cet album et à quoi il faut s'attendre globalement à l'intérieur pour les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter? C'est compliqué parce que en fait The Monkey représente vraiment le patchwork que nous on est tous les trois. Parce que tous les trois on a des influences très différentes, tous les trois, enfin on se retrouve autour de Chaos évidemment, mais on a des influences qui sont toutes très différentes. Et dans ces compos qui sont sur The Monkey, il y a vraiment de nous trois à la fois. Et puis ce Nous 3 qui était interprété par Nous 3, donc ça fait vraiment un patchwork différent. Je pense que je trouve intéressant dans cet album, c'est que chaque morceau est quand même, même s'il est lié par le son qu'on a, il est quand même, tous les titres sont quand même très différents. Donc à quoi il faut que les gens s'attendent? Je sais pas, à plein de trucs. À plein de trucs. Parce que tu vois, rien que Get Down, le single qui est sorti en premier, tu vois, il y a un solo de basse à la fin qui est sorti vraiment. Qui est sorti comme ça en répète en disant ouais, si ça partait comme ça, et si ça finissait comme ça finalement. Donc c'est hyper freestyle, donc l'album il est très freestyle. Pour ça. Typiquement, le dernier morceau, Arrakis, c'est la fin, c'est une jam en fait, Oui, de nos ça trois. sur la Ça durée, ouais. tire sur la durée, puis ça représente typiquement ce qu'on met en répète, c'est-à-dire que. Tout d'un coup, on a fini la structure qu'on avait décidée, puis tout d'un coup, Bruno, il relance un riff, et puis avec Greg, on se dit, ok, non, attends, on va le suivre. Et ça fait cette jam qui est à la fin de l'album qui représente vraiment ce qu'on est, quoi. Voilà. Voilà. Et quelle thématique globale vous défendez justement dans cet album? Alors, comme on a tous les trois des influences très différentes, Greg, dans ses textes, par exemple, il parle pas mal de lui. Il y a pas mal d'histoires perso à lui. Moi, il y a des messages un peu plus globaux qui m'intéressent. Il y a des messages un peu écolos qui sont glissés dans les paroles, parce que ça compte pour moi. Il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs. Ouais, tu vois, il y a Arrakis qui représente encore ce que Fuzz Movie était, ce mélange de musique et d'extraits de films. Oui, des extraits de Dune de 1984. Ouais, Donc c'est. j'allais te demander de préciser. Enfin, je l'avais, mais c'était pour Ouais. voilà, Arrakis, la planète de Dune. Ouais, la planète de Dune, on a pris des extraits du film de 1984, le film de Lynch de 1984. Qui pour nous représente plein de trucs, ce film. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Voilà. Alors, avant de parler un peu de vos lives, je voudrais déjà confirmer avec toi que vous êtes bien sur Clonosphère comme label. Ouais, Ouais. ok, parce Ouais, que on est bien sûr que le. voilà. Et du coup, ma question c'est un peu qu'est-ce que ça vous a. Enfin, déjà, félicitations parce que c'est un joli label en France. Et ma deuxième question c'est aussi qu'est-ce que ça vous apporte à vous au quotidien pour enfin, dans votre musique, dans votre façon de composer et même dans votre façon de diffuser ça, on s'y attend beaucoup plus déjà, mais voilà, qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un label comme ça? Bah alors le soutien de Guillaume et Patricia, c'est quand même super bien dans Clonosphère, parce qu'ils ont un regard qui est quand même hyper intéressant, parce que nous, on est dans. Il faut vraiment nous voir comme nous, on est vraiment dans notre grotte, en train de fabriquer notre musique. Et eux, ils ont une vision tellement plus globale des médias, du marché, mais on n'est pas du tout. On est très mauvais sur les réseaux sociaux, on n'est pas trop des gens de la communication. Donc le fait de rencontrer des gens comme ça qui nous disent ah, mais ce que vous faites, c'est bien. Et qu'ils soient OK pour nous accompagner, nous aider à diffuser cette musique, c'est quand même un gros, gros levier pour nous. Ça fait vraiment du bien, parce que jusqu'à Fuzz Movie, on faisait vraiment tout par nos propres moyens. Et puis Fuzz Movie, on l'a mis dans les oreilles de Guillaume, et puis il était chaud pour nous accompagner, on était trop contents, quoi. C'est vraiment bien d'être accompagné par des gens comme ça. Voilà. Et bien, du coup, j'en viens à ma question qui était plus, celle un peu plus prévue sur ben, justement votre musique, qui est donc une musique de live. Ouais. Et donc, ma grande question, c'est ben, où est-ce qu'on va pouvoir vous voir en concert prochainement et à quel point vous avez prévu de défendre cet album en live? Alors, bah, on a une petite tournée en novembre déjà, qui commence par une grosse date à Paris. On jouait que ensemble et Kayane. Ça va être une super date, ça. C'est un peu notre release party, parce qu'on n'a pas voulu faire une release party, organiser des soirées, c'est pas trop notre truc. Mais là, Bill Oosterson nous a contactés pour faire cette date, donc on était trop contents. Donc on commence par Paris, qui va être une grosse date. Et après, on fait Auxerre, et on descend en Portugal, Portugal, Espagne. Et puis on remonte et on fait quelques dates. On fait une date à Lyon, à Châlons-en-Champagne. On va voir les copains de Châlons-en-Champagne. On joue à Limoges aussi. Donc on devrait annoncer la tournée, je pense, peut-être fin de semaine là. Ok, bon ben bah, parfait. Le temps Donc. que ça sera sorti au moment où la vidéo Voilà. sortira, c'est parfait. Super, super, Ok, ouais. ok. Bon et donc l'occasion de venir vous voir sur ce Ouais. live assez enfin, assez largement. Oh ouais, C'est carrément. bah, c'est hyper cool. Ok. Ouais. Et puis en fait, moi justement aujourd'hui, j'étais en train de bosser là-dessus. Je pense que l'année prochaine, on repart dans les pays de l'Est. Parce Ok. que on avait adoré, on a tourné l'année dernière, on a fait l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie. Et je pense qu'on va y retourner parce que c'était vraiment super cool. Donc je Ok, pense que l'année prochaine, on y retourne. c'est cool. Il y a une scène stoner, il y a une scène stoner importante dans l'Est comme ça? Parce que, Ouais. ok, parce que tu vois, je connaissais les scènes de musique un peu plus extrêmes dans ces pays-là, mais pas forcément stoner. C'est intéressant. Bah, nous, quand on est parti là-dedans, il y a 1 an et demi, là, enfin, on n'y croyait pas du tout. On n'avait jamais fait ça. Et puis on ne savait pas trop comment ça serait pris par le public. Et on a joué dans des lieux totalement improbables en Allemagne. Et le public était à fond. Enfin, tu sens que le rock est vachement plus nourri dans ce genre de pays. Enfin, dans ces pays-là, en tout cas. Slovaquie, on a joué dans des trous perdus. Et c'était blindé. Les gens étaient trop contents d'écouter du stoner, tout ça. Mais c'était très bien. Cool. Ok. Bah écoute, j'en ai fini avec mes questions. Je te remercie. Bah moi, je Merci voudrais à toi. juste rappeler que The Monkey bah, sort le 17 octobre et qu'il faut aller l'écouter parce que bah, c'est un très bon album de Stoner, un peu nourri avec plein de choses et que c'était une très bonne écoute, très agréable. Et bah, écoute, je te remercie encore. Je te dis à bientôt. Ben ouais, merci à toi, Nico. Salut. Salut!